Je vous souhaite un très bel après-midi. Il se poursuit sur la première avec Histoire vivante. À demain. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. When all the people receive true information of all that government does. Cette semaine, la démocratie aux États-Unis. Nous sommes le peuple élu. Nous portons l'arche des libertés du monde. Pionnier et héritier. Why two triangles? Un système qui en a vu d'autres. One right side up. One upside down. Je crois que Dieu a présidé à la naissance de cette nation et que nous sommes choisis pour montrer la voie aux nations du monde dans leur marche sur les sentiers de la liberté. Il faut lier le pouvoir politique à la puissance d'argent. C'est cela qui nous donnera, je cite, un bon gouvernement. Qu'est-ce que Jefferson a proposé à l'État de Virginie? Les États-Unis auraient-ils pu avoir un roi? Les présidents ont-ils le choix? Et que se sont dit Thomas Jefferson et John Adams? Ce sont là quelques-unes des questions qui seront abordées dans cet épisode aujourd'hui intitulé « Immigration et Constitution ». Élise Marienstrasse, historien. Dès avant la Constitution, Thomas Jefferson, qui était quand même l'un des grands maîtres de l'époque, on peut dire, Thomas Jefferson avait proposé à la Virginie une loi qui a été adoptée et qui était une loi de séparation de l'Église et de l'État, du religieux et du politique. La Virginie, qui était jusque-là une colonie anglicane, donc non pas soumise à l'Église, mais où les citoyens étaient obligés de payer un impôt avec lequel l'État lui-même payait le clergé, la Virginie cessait donc de prendre en charge le clergé et les différentes institutions religieuses, ce qui n'empêchait pas la liberté de conscience totale, liberté religieuse donc des citoyens de Virginie. C'est cette même conception qui est reprise au moment de la Constitution américaine. Dans la Constitution elle-même, il y a peu d'allusions à cette séparation, mais le premier amendement à cette Constitution, qui est adopté 2 ans après la rédaction de la Constitution elle-même, le premier amendement prévoit une nette séparation entre l'Église et l'État, c'est-à-dire qu'il dit que le Congrès ne se mêlera plus d'affaires religieuses, et on ajoute immédiatement que la liberté de pratiquer ça, n'importe quelle religion est laissée à tous les citoyens. Donc à la fois liberté religieuse et séparation de l'Église et de l'État. Pierre Mélandry, historien. La mission remonte à très loin. C'est la fondation même des États-Unis. C'est la cité brillant sur la colline de John Winthrop qui doit préfigurer le royaume de Dieu sur terre, sur laquelle le monde entier doit avoir les yeux fixés. J'ai toujours trouvé très intéressant que la formule de Winthrop, « The whole world is watching », ait été reprise par un groupe de musique rock au moment des événements de Chicago en 1968. Ce sentiment que l'Amérique, malgré tout, est le centre de l'histoire mondiale, que c'est là que les choses se passent, c'est là que l'avenir se construit. La deuxième, et ça c'est une notion au départ, évidemment, si on revient à Winthrop, et je laisse pour le moment l'Amérique des années 60 de côté, c'est une vision religieuse, préfiguration du royaume de Dieu sur terre. On va construire dans un monde nouveau ce qui n'est plus possible dans le monde ancien qui est corrompu et qu'il faut donc apostasier. Cette notion d'une mission universelle prend un sens plus laïque avec la Révolution américaine. C'est la révolte contre la tyrannie, c'est la remise en cause du modèle féodal, c'est l'érection de l'Amérique en terre des libertés. Et ça va être évidemment une formidable thématique qui sera reprise par la plupart des présidents, mais plus et mieux par certains que par d'autres, je pense évidemment à Wilson, à Reagan, et bien sûr Obama lui-même. Enfin, en troisième lieu, il y a une dimension économique à cet exceptionnalisme, puisqu'il faut employer le mot. C'est le pays de la deuxième chance, le pays vers lequel longtemps les Européens, enfermés en quelque sorte dans les réalités sociales de l'Europe, se tournent et vers lequel ils partent dans l'espoir de connaître, j'allais presque dire une nouvelle naissance, en tout cas un nouveau départ. Et je crois que, évidemment, l'histoire semble avoir longtemps accrédité cette vision. Et cela vous explique cet exceptionnalisme américain d'un pays qui est couronné par le succès, en quelque sorte béni par la divinité. N'oubliez pas la formule du secrétaire de presse de George W. Bush au lendemain des attentats de 11 septembre. Le mode de vie de notre pays est béni. The nation has awakened to a sense of neglected ideals and neglected duties. When all the people receive cruel information of all that government does. Moi, Gerald Ford, je fais serment de remplir loyalement la charge de président des États-Unis et de faire de mon mieux pour protéger, défendre la Constitution des États-Unis. Elise Marienstrass, historienne. On peut imaginer que un président soit élu demain, qu'il soit bouddhiste, par exemple, ou quaker, et qui refuse de jurer sur la Bible. Et il en a la possibilité. Ce n'est pas une, on n'est pas obligé de le faire. C'est le rituel, en quelque sorte. Il doit prêter serment. Donc, les modalités du serment... La tradition, la culture dominante font que ces modalités sont en effet empreintes non seulement de religion du livre, mais de la religion chrétienne, parce que en effet, la Bible, elle est conçue quand même comme la Bible chrétienne. Il pourrait se produire qu'un juif ne prête pas serment sur la Bible, soit élu président, mais... La culture américaine lors de la création des États-Unis est une culture des Lumières, c'est-à-dire une culture rationaliste, mais une culture qui reste en effet empreinte de religion pour les raisons que je disais tout à l'heure, parce que d'abord, il n'y a pas eu de guerre entre le religieux et le politique, parce que le clergé a fortement appuyé la révolution américaine et surtout parce que cette révolution américaine se fait sous l'égide de la Providence. C'est là où ces révolutionnaires trouvent quand même leur transcendance. Et d'ailleurs, il faut dire que jusqu'à présent, il y a eu peu de périodes où les Américains auraient en grand nombre cessé de croire en Dieu. En Amérique, la présence d'une transcendance divine est ressentie par tous les Américains parce qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un conflit majeur au sein de la population. On est à la fois rationnel en ce sens que on estime que Dieu est le grand horloger, c'est un peu la franc-maçonnerie qui a dominé l'époque des Lumières d'ailleurs. Dieu est présent dans la création du monde, et puis ensuite il aide un petit peu les hommes de bien et de raison à conduire leur destinée. En particulier, il sourit à l'Amérique. Et c'est grâce à cette présence divine dans la culture que les Américains restent constamment optimistes, pensant que Dieu ne peut pas les abandonner et que l'Amérique reste non pas la fille aînée de l'Église, mais la fille favorite de Dieu, en quelque sorte. Il y a dans le clergé, en particulier en Nouvelle-Angleterre, chez les descendants des puritains. On n'est plus chez les premiers puritains, à la fin du XVIIIe. On ne dit plus puritain d'ailleurs, on dit congrégationaliste. Il y a dans ces milieux, issus d'ailleurs de la conception du peuple élu, qui a été celle des premiers puritains, il y a la croyance que l'Amérique est le pays élu et que l'Angleterre se corrompt. Et donc l'Amérique est le refuge de la vraie religion. Donc il y a une sorte de patriotisme national avant même la création de la nation dans le clergé lui-même. Il y a d'autre part, de la part de ce clergé, sans qu'il soit séparatiste particulièrement, il y a de la part de ce clergé un grand éloignement vis-à-vis de l'Angleterre. Et il y a enfin un rapprochement d'une partie de ce clergé à cause d'un épisode de renouveau religieux qui s'est produit dans les années 1740. Il y a donc dans ce clergé une sorte de rationalisme, d'ouverture plus grande, de rapprochement avec la culture des Lumières. Jonathan Edwards, qui est l'un des grands pasteurs des années 1740-1760, écrit un hymne ou un sermon, je me souviens plus très bien, un sermon en apologie du régicide. Donc ils sont prêts à la révolution d'une certaine manière. Et d'autre part, ils ont l'habitude, dans ces petites villes de Nouvelle-Angleterre en particulier, ils ont l'habitude de prêcher des sermons les jours d'élection. Ils ont donc été toujours présents dans le politique. Donc, tout est prêt, malgré la volonté de séparer l'Église de l'État, ce qui en Nouvelle-Angleterre d'ailleurs se fait beaucoup plus tard, au XIXe siècle, il y a tout de même une préparation à l'entraide que vont se donner le clergé et les politiques révolutionnaires. Et au moment où se fait la révolution, c'est le clergé qui chauffe en quelque sorte le peuple, qui lui transmet les mots d'ordre, qui lui transmet le patriotisme, et ceci donc sous l'égide de Dieu, que le clergé est censé donc, sinon pas représenter, mais présenter au peuple. Donc Dieu est là dans les églises qui sont en même temps des lieux de simples de rassemblement, des maisons communes. Dans ces maisons donc de la religion, la révolution est doublement légitimée puisque elle est également prise en charge par le clergé. Pas tout le clergé. Une partie du clergé anglican, par exemple, soutient le roi et part même avec les loyalistes. Mais le clergé vraiment qui a pris racine dans le continent américain, celui-là, il participe pleinement à la révolution. D'où l'alliance par la suite du religieux et du politique, alors que formellement, il y a une séparation, mais c'est intérieurement chaque Américain qui n'est pas disposé, comme le sont les Français à la Révolution, à jeter au loin le religieux, parce que cela concourt à leur vie quotidienne, mais aussi à leur participation à la nation. C'est l'une des articulations dans la construction nationale. There is talk of a convention in Philadelphia. They are to discuss a binding constitution. I hope to attend, if only to have an effect on the style of its prose. I expect that any constitutional document that emerges from Philadelphia will be as compromised as our Declaration of Independence. Thomas Jefferson. Je suis de plus en plus convaincu que la Terre appartient exclusivement à ses habitants et qu'une génération n'a plus le droit d'imposer à une autre ses lois et ses principes, qu'une nation indépendante n'a le droit d'en diriger une autre. John Adams. Mais la Constitution, comme ce fut le cas pour celle que nous avons rédigée pour nos propres États, devrait servir à asseoir la stabilité et la légalité à long terme qui sont essentielles à la construction d'une société civilisée, n'est-ce pas, Thomas Jefferson? Oui, peut-être. Mais je crains qu'elle ne creuse une faille dans nos idéaux révolutionnaires, faille à travers laquelle se déverseront les forces réactionnaires. John Adams. Votre sujet de prédilection, Monsieur Jefferson, ce n'est pas l'organisation harmonieuse du pouvoir politique, mais plutôt la délimitation d'un espace complètement dépourvu de pouvoir. Vous, mon cher, vous êtes plein de contradictions. Thomas Jefferson, nous le sommes tous, Monsieur Adams. John Adams, en effet. Et qu'est-ce donc qu'un gouvernement, en fin de compte, si ce n'est la mise en pratique des leçons tirées des contradictions de nos propres caractères? Thomas Jefferson, il est déconcertant de voir à quel point vous manquez de confiance en votre prochain, Monsieur Adams, et en vous-même. si je puis me permettre. Certes, et vous faites preuve d'un dangereux excès de confiance en votre prochain, Monsieur Jefferson. Elise Marienstrass, historienne. La Constitution est discutée pendant, au fond, assez rapidement, rétrospectivement, entre le mois de mai et le mois de septembre 1787. Et pendant ces quelques mois, le plus important du débat consiste à savoir s'il y aura un point central fort ou un lien assez lâche entre les États. C'est donc la nature de la fédération qui est discutée pendant ces quelques mois. Et on arrive finalement, après des compromis, le compromis sur l'esclavage, le Nord cède au Sud le maintien de l'esclavage, mais un deuxième compromis sur la représentation des États dans l'État fédéral. Et là, on adopte les deux formes, c'est-à-dire deux chambres. Une chambre dans laquelle c'est l'ensemble des États qui seront représentés, c'est-à-dire les citoyens qui auront un lien direct avec l'État central par la représentation proportionnelle à la Chambre des représentants. Et les États proprement dits figurent en tant que tels, plus ou moins, dans le Sénat, puisque le Sénat comporte deux sénateurs par État, qu'ils soient tout petits, très grands. Chaque État a sa force entière, le même poids dans le Sénat, quelle que soit son importance. Donc ça, c'est le compromis de la Constitution et qui va créer donc un État fédéral, cette fois-ci où les trois pouvoirs sont bien équilibrés, comme le voulait Montesquieu, et où chaque État, cependant, conserve, grâce aux 9e et 10e amendements qui sont votés tout de suite après la Constitution et qui font partie de ce qu'on appelle la Déclaration des droits, les États conservent une certaine souveraineté. C'est-à-dire que tous les pouvoirs qui sont inscrits dans la Constitution et qui sont dévolus aux instances fédérales, au Congrès, au président et au pouvoir judiciaire suprême, ces pouvoirs-là doivent être bien explicites. Tout ce qui n'est pas explicité dans la Constitution revient, dit le 10e amendement, aux États ou aux citoyens. Donc une certaine souveraineté des États est prévue et une certaine souveraineté du peuple direct également, de sorte que lorsque, par exemple, en Californie, on adoptera la forme du référendum très très fréquente pour des décisions concernant l'État, eh bien, cela est tout à fait conforme à l'esprit de la Constitution de 1787, où les citoyens, tout ce qui n'est pas réservé à l'État fédéral, est du ressort des États ou des citoyens eux-mêmes. Donc, une certaine forme de démocratie directe est préservée, mise à l'écart en quelque sorte, mais réservée pour l'avenir. Beaucoup est réservé à l'avenir d'ailleurs dans cette Constitution qui reste assez floue. De sorte que cette fluidité de la Constitution dans sa rédaction, elle est très courte pour une Constitution, elle est assez laconique, tout cet implicite est interprété par la suite. Et l'interprétation du non-dit, évidemment, varie suivant l'option de ceux qui l'interprètent. Alors, tout de suite après la rédaction de la Constitution, entre sa rédaction et son adoption, il y a une bataille très dure dans le pays, dans État par État, parce qu'il y a des fédéralistes. Les fédéralistes qui s'appelaient fédéralistes ont pris ce nom pour ne pas effrayer. Ils étaient partisans d'un État fédéral, un État central puissant et une diminution du pouvoir de chaque État. Les antifédéralistes, eux, pensaient que la démocratie était définitivement menacée et ne verrait jamais le jour si cet État central allait prendre naissance, c'est-à-dire reproduire la centralité anglaise, qui en fait n'était pas une centralité, il y avait une force de l'exécutif. C'est cela qu'on craignait. Et donc il y a une très forte résistance des antifédéralistes qui perdent. Et finalement, donc, c'est le fédéralisme qui prend ses assises, mais avec tout de même une grande modération, puisqu'il a fallu faire beaucoup de concessions. On en reste à une conception d'une certaine souveraineté des États en ce qui concerne la vie quotidienne des citoyens. On en reste à jusque à la fin du 19e siècle, ou jusqu'après la guerre de sécession, à une conception du citoyen comme étant d'une part représenté directement au pouvoir central, mais étant tout de même dépendant pour sa citoyenneté des règles, des normes de l'État de résidence. C'est-à-dire que pour devenir citoyen des États-Unis, il fallait d'abord être citoyen de son État de résidence. Et ça, c'est à présent, la citoyenneté dans l'État de résidence n'est plus qu'une formalité. Mais la double citoyenneté dans l'État de résidence et dans le gouvernement fédéral s'est maintenue. Il reste également que sur le poids, le pouvoir qu'a chaque État de prendre des décisions qui concernent la vie quotidienne des citoyens, mais qui peuvent aller très loin dans les institutions sociales, le flou continue et la double interprétation n'est toujours pas résolue. Jusqu'à ce que, dans les années 1820-1840, l'esclavagisme du Sud, ayant fait des progrès considérables sur le plan économique, le débat sur l'esclavage a abouti au fait qu'on a maintenant interdiction, la traite des esclaves, la traite extérieure est interdite. Mais à l'intérieur, l'esclavagisme se maintient, se durcit, se renforce, le nombre d'esclaves a énormément augmenté par croissance naturelle. Inutile de décrire la situation sociale, elle aboutit en tout cas à ce que des hommes, qu'il faut dire des hommes de bien, des libéraux, des émancipateurs, pensent qu'il y a contradiction interne absolue entre une démocratie américaine qui, tout de même, a permis maintenant, dans les années 1830, le suffrage universel des hommes blancs, suffrage universel sans restriction censitaire, et le maintien en servitude de 20% de la population. À ce moment-là, des gens qui se trouvent plutôt au nord, qui se trouvent en Pennsylvanie, qui sont souvent Quakers ou qui sont des futurs républicains, du parti républicain qui va se constituer en 1854, ces gens, et ces hommes et ces femmes, il y a beaucoup de femmes dans le mouvement abolitionniste, mènent campagne pour obtenir des lois qui empêchent non seulement qui arrête l'esclavage dans le sud, mais qui l'empêche de s'étendre vers l'ouest, parce que la marche vers l'ouest, en même temps, déplace également l'esclavagisme vers l'ouest et agrandit cette zone esclavagiste en Amérique. Il y a donc un conflit là qui prend une forme institutionnelle sur le sens à donner à cette constitution. Et de nouveau, l'interprétation entre le poids respectif des États et de l'État central commence dans les années 1850 à prendre la forme d'un débat sur la nature du contrat qui a été signé pour faire cette constitution. Tout le monde s'accorde sur cette constitution, sauf sur les passages où elle dit que tout homme non libre qui s'échappera sera poursuivi, rattrapé, rendu à son maître. Par exemple, on ne dit pas tout esclave, mais le mot slave ne s'y trouve pas, mais il y a bien une allusion, c'est la clause qu'on appelle la clause de l'esclave fugitif, qui est extrêmement choquante pour un libéral qui voudrait que tous les hommes soient libres. Il y a encore deux autres clauses qui mentionnent donc le fait que l'esclavage est admis. Autrement, la Constitution, comme base d'un État et démocratique, cette Constitution, elle est dans l'ensemble, en plus elle a été rédigée sous l'égide de la Providence, elle ressemble aux tables de la loi, elle est sacrée cette Constitution, elle est sacrée surtout pour les gens qui tiennent à ce que l'Union reste intacte. Et ils la présentent donc non pas comme un contrat simple passé entre des hommes libres qui signent contrat et dont le contrat se défait de lui-même s'il n'est pas respecté, mais comme un pacte sacré, indéfectible et éternel. Ça, ce sont les nordistes qui présentent la Constitution ainsi. Les sudistes disent, elle est très bien cette Constitution, mais c'est un contrat, non pas entre des hommes, mais entre des États. Et lorsque un État voit que ses droits ne sont pas respectés par l'État fédéral, c'est-à-dire que les termes du contrat ne sont pas respectés, eh bien, il se retire de ce contrat, et le contrat s'abolit de lui-même par ce fait. Et c'est au fond l'esprit dans lequel la révolution s'est faite avec le roi d'Angleterre, c'est-à-dire que le roi a cessé de remplir ses conditions de monarque, et par conséquent les citoyens se trouvent détachés de toute obligation envers lui, puisque lui n'a plus rempli ses conditions. Donc voilà l'argumentation qui, au milieu du XIXe siècle, fait que les partisans du maintien de l'esclavage dans le Sud, ces partisans maintiennent que le Nord, qui à ce moment-là domine dans les instances fédérales, les nordistes font voter des lois dans leur propre intérêt, c'est-à-dire dans l'intérêt du développement économique du Nord, qui lui commence à s'industrialiser et n'a donc pas besoin d'une main-d'œuvre servile mais d'ouvriers, alors que le Sud, lui, veut empêcher ce développement industriel et, au contraire, promouvoir la continuation de son système de plantation commerciale. Le Sud, donc, refuse la politique menée par le Nord, la politique économique menée par le Nord, et en particulier la politique des tarifs douaniers. Nous arrivons au nœud économique de l'affaire qui se fait sur argument constitutionnel, mais qui a un soubassement économique. Et ce tarif voté par le Nord, qui est un tarif prohibitionniste, qui veut empêcher les marchandises venues d'Angleterre de concurrencer les marchandises produites en Amérique même, ce tarif nuit aux sudistes qui, eux, vendent leur coton à l'Angleterre et qui ont peur de la rétorsion. Et par conséquent, la Caroline du Sud refuse le tarif, le nullifie, c'est-à-dire avance qu'elle ne le respectera pas, et par conséquent, elle menace à ce moment-là, si on ne respecte pas si on maintient le tarif, elle fera sécession, c'est-à-dire qu'elle n'a pas l'obligation de rester dans l'Union. Voilà la conception d'une constitution comme contrat simple qui peut se défaire au moment où l'un des États est défavorisé par la politique générale. Demain, suite de cette évocation, nous serons en compagnie du réalisateur Lionel Roup pour son documentaire intitulé « Battre la campagne ». Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker, Isabelle Barthes et la voix de Mathias Urban. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Demain vendredi, Histoire vivante est à lire dans La Liberté. Donald Trump se présente souvent comme un milliardaire autodidacte, doué pour faire de l'argent. Mais il ne s'est pas fait tout seul. Il aurait largement bénéficié de la fortune de son père grâce à d'ingénieux systèmes d'évasion fiscale. Comment Trump a fait fortune ? Un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté. Vous écoutez La Première, il est 14h.